Chapitre 16e. La hauteur des sentiments à laquelle M. de Ries s'était élevé dans l'émotion de cette scène ne pouvait être malheureusement un état d'âme durable. La réflexion, le froid raisonnement, l'expérience amère ne devaient pas tarder à faire entendre leur voix et à reprendre leur empire. Chaque jour, à mesure que le temps se passait et que l'impression première des paroles enflammées de Mme de Ries, de son accent de vérité, de ses touchantes supplications, s'affaiblissait dans son esprit, le doute et la défiance y regagnaient du terrain et y trouvaient plus d'accueil. Il en vint bientôt à se demander si sa confiance n'avait pas été de la candeur, sa générosité de la duperie, s'il n'avait pas été le jouet d'une de ces comédies perfides, d'un de ces mensonges trempés de larmes, où il n'ignorait pas que les femmes excellent. L'existence commune entre sa femme et lui était alors, dans toutes ses apparences extérieures, pleine de bonne intelligence, de douceur et d'union. C'était de la part de Madame de Ries une préoccupation constante d'éviter ce qui pouvait déplaire à son mari, de rechercher ce qui pouvait lui plaire, une affection timide et réservée, mais toujours et passionnément attentive. De la part de Lionel, une grâce courtoise et une bonté qui ne se démentaient pas, jamais, dans son langage ni dans ses yeux, l'ombre d'un ressentiment ou d'un reproche. Il avait le cœur trop haut pour revenir misérablement sur sa parole et sur son pardon. Mais au milieu de ce doux intérieur qui semblait réaliser les meilleurs rêves de sa vie, il était peut-être au fond de l'âme plus malheureux qu'il ne l'eût jamais été. Un incurable soupçon le rongeait. Il avait été dupe. Il était secrètement l'objet des ironiques dédains de M. de Quéverne et de ceux de sa femme elle-même. Cette pensée incessante lui causait une tristesse d'autant plus profonde qu'il la sentait irrémédiable. Elle serait toujours désormais entre sa femme et lui. Elle glacerait à jamais sur ses lèvres la tendresse et l'abandon. Il en était à regretter amèrement l'élan de cœur qu'il avait condamné à ce supplice d'une défiance et d'une dissimulation éternelle. Un matin, vers la fin du mois de juillet, comme il fumait un cigare dans la cour des écuries, il aperçut de loin Madame de Ries qui se dirigeait d'un pas rapide vers une des allées du parc. Cette allée croisait à quelque distance le chemin d'un village dans lequel Madame de Ries avait des habitudes de charité. Il crut d'abord que tel était le but de sa promenade, qui lui sembla cependant étrangement matinal. Le moment d'après, un incident, fort insignifiant en apparence, éveilla chez lui une autre supposition. C'était l'heure où le facteur rural passait chaque jour à Fresnes. Après avoir déposé le courrier, il emportait les lettres du château, qui lui étaient remises par les domestiques ou qu'il prenait lui-même sur la table du vestibule. Il continuait ensuite sa tournée et se rendait au village voisin en suivant l'allée où Madame de Ries se promenait en ce moment. Lionel eut soudain l'idée que sa femme voulait remettre secrètement de sa propre main quelques lettres à ce facteur, et qu'elle était allée l'attendre dans ce dessein à l'abri de tout regard curieux. Il fut confirmé dans ce soupçon en la voyant reparaître et regagner le château du même pas précipité aussitôt que cet homme eut traversé l'allée. M. de Ries entra dans les prairies qui longeaient le parc et qui conduisaient au village par un chemin plus court, mais interdit au public. Quelques minutes plus tard, il rejoignait le facteur au moment où celui-ci sortait du bois. « Je cours après vous, » lui dit-il. « Vous avez pris tout à l'heure au château une lettre adressée à M. de Quéverne, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur, c'est madame qui vient de me la donner elle-même. »« Justement, veuillez me rendre cette lettre. Il y a une erreur d'adresse. Vous la reprendrez demain. » Le facteur obéit et poursuivit sa route. La lettre portait cette suscription: Monsieur Henri de Quéverne, Hôtel des Bergues, Genève. Monsieur de Ries regardait ce pli, le tournait et le retournait dans sa main avec un sentiment d'angoisse inexprimable. L'ouvrir et en violer le secret, c'était une action dont il ne se dissimulait pas le caractère. Le respecter, c'était perdre l'occasion probablement unique et irréparable de dissiper l'incertitude horrible qui empoisonnait sa vie. Il s'était assis devant une des clôtures du parc, sur un tronc d'arbre abattu, et il s'absorbait profondément dans ses perplexités quand le roulement d'une voiture lui fit lever les yeux. Il reconnut le coupé de Madame de Loris. Il se souvint qu'elle devait déjeuner au château ce jour-là. En apercevant Lionel, Madame de Loris crut apparemment qu'il était venu à sa rencontre. Elle donna l'ordre au cocher d'arrêter, descendit aussitôt et renvoya sa voiture. « C'est très amable à vous, monsieur, » dit-elle. « Marie va bien. »« Très bien. Quelle charmante matinée, n'est-ce pas ?» Il ouvrit la barrière, fit entrer la jeune femme dans l'avenue qui s'étendait devant eux et l'y suivit. Frappée de son air soucieux et distrait, elle lui dit au bout de quelques pas. « Eh bien, quoi de nouveau donc, mon cher monsieur ?»« Mais rien. »« Je vous demande pardon. Votre front est à l'orage. Et puis vous rêviez là, tout à l'heure, comme un homme qui médite un crime. » « J'ai quelquefois d'assez tristes pensées, » dit Lionel. « Pourquoi ? Vous ne pourrez donc jamais être heureux, mon pauvre monsieur. Je le crains. » Elle reprit avec un accent sérieux. « Cela me fait tant de peine. » Puis s'arrêtant au milieu de l'avenue. « Voyons, qu'est-ce qui vous manque ? La confiance, n'est-ce pas ? » Lionel ne répondit pas. « Mon Dieu, » poursuivit-elle, « que faudra-t-il donc dire ou faire pour vous la rendre ?» « Il faudrait, » dit brusquement M. de Rias, cédant à un mouvement à peine réfléchi, « me dire ce qu'il y a dans cette lettre. »« Cette lettre ? Qu'est-ce que c'est que cette lettre ?» Il l'avait mise sous ses yeux. Elle en lut l'adresse et pâlit légèrement. « Voici, » reprit Lionel, « l'histoire de cette lettre. J'ai vu ce matin Marie la remettre secrètement au facteur. Dans le premier instant, l'idée de laisser partir cette lettre, en portant son éternel secret, m'a paru impossible. » Je m'en suis emparé. C'est déjà trop. Je ne l'ouvrirai pas. Prenez-la. Ce n'est pas un piège que je vous tends. Il serait odieux. Ne l'ouvrez pas, je vous en prie. Je ne le veux pas. Si sûr que vous soyez de votre ami et de votre frère, vous ne l'êtes pas assez pour risquer une épreuve semblable. Brûlez cela, sans le lire vous-même et sans en parler à personne. Promettez-le-moi. Madame de Loris prit la lettre d'une main un peu tremblante. Elle regarda fixement M. de Rias et brisa l'enveloppe. L'héroïque jeune femme eut alors pourtant une minute de défaillance. Un éblouissement passa devant ses yeux. Elle chancela. Puis elle se mit bravement à lire la lettre tout haut. « Monsieur et ami, ai-je tort de vous écrire ces lignes ? Je ne puis le croire, bien que j'en fasse mystère à mon mari. Je veux lui épargner jusqu'à l'ombre d'un souvenir pénible. Mais envers vous aussi je me sens un devoir, celui de vous dire que je suis heureuse. Je vous connais assez pour être certaine que la pensée de mon bonheur sera pour vous la meilleure des récompenses et, s'il le faut, des consolations. Je me souviens de vos paroles pendant ce dernier entretien qui faillit avoir des suites si fatales. La plus heureuse nouvelle que je puisse jamais apprendre, me disiez-vous, c'est que vous avez mis votre cœur du côté de votre devoir. Hélas, cela me semblait impossible alors, et peu d'heures après cependant ce miracle était fait. Mon mari me sauvait des angoisses de la mort. Sa confiance généreuse, sa bonté vraiment divine, ne m'imposait pas seulement la reconnaissance, elle m'inspirait une estime, un respect, une tendresse, digne d'elle. Dès ce moment, il m'avait reprise tout entière et je l'aimais à jamais. Chaque jour encore, quand je me rappelle cette nuit terrible, quand je me rappelle les folies, les imprudences de mon langage, car pour mieux lui montrer ma sincérité, je me faisais même plus coupable que je n'étais, quand je pense à son cœur déchiré, à sa fierté révoltée, à tout ce qu'il a dû souffrir, à tout ce qu'il a dû vaincre pour me tendre la main. J'ai envie de tomber à ses pieds et de l'adorer. Je n'ose pas. Il est doux et excellent, mais un peu inquiet, un peu défiant peut-être encore dans le secret de son âme, je le sens. J'en souffre quelquefois, mais sans découragement, car je sens aussi que l'avenir est à moi, et que toute la vérité qui est dans mon cœur finira par passer dans le sien et me l'ouvrir tout entier. Voilà, monsieur, ce que je voulais vous dire. Et vous dire cela, n'est-ce pas vous donner la plus grande preuve d'estime que vous puissiez recevoir de votre élève et amie, Marie de Rias ? Quand elle acheva cette lecture d'une voix altérée par l'émotion, Madame de Loris vit que M. de Rias avait une main sur ses yeux et que des larmes glissaient sur son visage. Nous ne pouvons terminer ce récit sans rappeler au lecteur que les cavernes sont fort rares dans le monde, qu'il est fort délicat de trop compter sur leur concours désintéressé, et qu'un mari jaloux de perfectionner l'éducation de sa femme fera toujours sagement de s'y employer lui-même et de ne pas déléguer ses pouvoirs. C'est ainsi que se termine Un mariage dans le monde d'Octave Feuillet.